Jeff Kabeya, Pascal Pobaye Lissoso, Katia Berfelina Palapala na Bandala, Edi Bamba. Zela, tango etana, oye ba souci a moto na moto, zela. Tala, basusu na zando, basusu na babiro, kasi basusu mitelengano. Zela eh, midi ebeta, otala nzungu ya moto na moto, zela. Tala, basusu bandunda, kopondu, basusu elangwate, kasi basusu misuni. Zela eh, putu elinda, oye ba adresa ya moto na moto, zela. Basusu na ba chato, kasi basusu bibanda. Mama na kufa, jipe berbele, amida chature, kike kuyenga sideji, wa makoko. Meka, potu na bakwayo, ante riche pauvre, nanine mubola. En realite, bisonyo so babola, so kizabe ayelelo, nani akuzanga état de besoin. Vraiment, le mal de vivre, maladie n'a pas incurable, qui s'y n'a pas encore. Ah! Papa Ibé, Merla Kano, Jacques Ilunga, je sais. Besanga la paix, Besanga maman, Mako pesa yo papa, Ine la maï boutou, Mako pesa yo. Aïe, pesanga salé, maman yé, pesanga question, anga yo pesanga vérité, na kei. Il n'y a rien pour rien, awana la vie, il y a un temps pour tout, Bible et l'obaki, le monde est vertu, ce que l'on y okozoua, kasi doza impatient pour na cause la récolte. Si dosa égoïste pour na kopé sa baninga, yango assez souvent toko zwa kaba échec, yango assez souvent toko zwa kaba problème. Mais y'a un temps pour tout, Ecclésiaste à l'obaki. Boulou tout zola, Tom Sbakajika de Pasco. place. Chez Séraphin Bollé.